tu m'aimeras comme je t'aimais. J'ai beaucoup de mal à pardonner. J'attends pas que tu me montres que j'ai donné. T'es pas mon pote parce que je te connais. Elle m'a dit je t'aime, en vrai elle parlait juste à ma CB. Il m'a dit t'es mon frère juste pour m'utiliser. Je préfère te laisser. Je t'ai donné mon amour, mon temps, quitte à me rabaisser. J'ai payé sans regarder le montant, toi juste encaissé. Nanana, nanana, si t'es vrai, je serai là pour toi. Dans le cas ici, y'a rien pour toi. Tu m'appelles, moi je sais pas pourquoi. Nanana, nanana, bébé, lève-moi si je tombe. Bébé, aide-moi à monter. En haut, on fera le tour du monde, ouais. A trop chercher qui a raison, ouais. Personne prend soin de la maison, ouais. J'ai les questions, pas les réponses. J'ai les questions, pas les réponses, ouais. On était beaucoup, on a fini à deux devant. On a grandi, donc ce sera jamais comme avant. Donner sans compter, j'ai donné. Tant de problèmes sous le bonnet. Mon cœur croit confiance que la monnaie. On était beaucoup, on a fini à deux devant. On a grandi, donc ce sera jamais comme avant. On m'a dit tout en silence, espère ta musique pour ce qui est du boucan. Bébé, fais-moi un gosse, je veux d'abord un gars pour l'inscrire au foot. Je suis au studio, ce soir ne m'attends pas. Je fais rentrer ce qu'il faut, je travaille à temps plein. Faut monnaie, monnaie pour pas patiner. T'as vu là-bas, il fait grave ce vie. Je suis numéro 7, gros, y'a pas de ciné. Elle a pas la même vie selon la story. J'ai déjà beaucoup dans le bon Dieu qui m'a béni. J'en ai rêvé, à mon réveil, je suis au zénith. A trop chercher qui a raison. Personne prend soin de la maison. J'ai les questions, pas les réponses. J'ai les questions, pas les réponses. On était beaucoup, on a fini à deux devant. On a grandi, donc ce sera jamais comme avant. Donner sans compter, j'ai donné. Tant de problèmes sous le bonnet. Mon cœur croit confiance que la monnaie. On était beaucoup, on a fini à deux devant. On a grandi, donc ce sera jamais comme avant. Est-ce que tu m'aimeras comme je t'ai aimé? J'ai beaucoup de mal à pardonner. J'attends pas que tu montres que j'ai donné. T'es pas mon pote parce que je te connais.